En chinois, le mot aujourd'hui se dit 今天, 今天, debout vers coucher, 今天, pour dire aujourd'hui. Alors dites-vous que aujourd'hui, on a bu du gin et on a levé nos verres pour se dire à la tienne. Donc, comment dites-vous aujourd'hui? Jin Xian Tian Jin Jian Tian Tian, c'est ça. Jin Tian Jin Tian. Et la deuxième syllabe Tian signifie jour. Donc aujourd'hui se dit Jin Tian. Et ma collègue va nous dire ce que signifie la première partie de ce mot. Jin est juste une manière de dire maintenant, actuel. Jin Tian est l'équivalent de aujourd'hui, maintenant. Donc, dites-nous de nouveau aujourd'hui. Jin Tian. Dites-moi, je veux aller à Pékin aujourd'hui. Wow. Yeah. Quand est-ce que ça se passe? Aujourd'hui. Jintian veut aller. Yao qu Beijing. Comment dites-vous je? Wo. Oui. Je veux aller à Pékin aujourd'hui. 我今天要去北京. Je voudrais y aller, mais je ne peux pas y aller aujourd'hui. Alors en chinois, on ne traduit pas le i. Il vient s'ajouter automatiquement à la phrase française, mais en chinois, on n'en a pas besoin. On dira simplement je voudrais aller, mais je ne peux pas aller aujourd'hui. Alors, je voudrais y aller. 我aujourd'hui voudrais aller. 我今天. Bon, alors, arrêtons-nous un instant ici. Je voudrais y aller, c'est la première partie de la phrase. Mais je ne peux pas y aller aujourd'hui, est la seconde partie. Ah, je pensais que la phrase était « Je voudrais y aller aujourd'hui ». D'accord. Donc, « Je voudrais y aller, mais je ne peux pas y aller aujourd'hui ». D'accord. « Je voudrais, j'ai envie d'y aller ». 我想, 我想, 去, mais je ne peux pas y aller aujourd'hui. Aujourd'hui. 可是, 我不, je aujourd'hui ne peux pas. 我今天不能, 不能, tu. Je voudrais y aller. Mais je ne peux pas y aller aujourd'hui. 我想去，可是我今天不能去。 Voudrais-tu aussi aller en Chine aujourd'hui? 你今天 aussi avoir envie de aller Chine plus l'interrogatif. 也想去中国吗? Voudrais-tu aussi aller en Chine aujourd'hui? 你今天也想去中国吗? Maintenant dites, où voudrais-tu aller en Chine? Alors il faut dire littéralement, en Chine, c'est-à-dire se trouver en Chine. Tu avoir envie d'aller où? 在中国你小哪? Allez, allez où? 去哪? Comment dites-vous où? 哪? 哪儿? Comment dites-vous voudrais à envie de? 小 C'est 想 Et comment dites-vous où voudrais-tu aller en Chine? 在中国你想去哪儿? Ah non, 哪儿? Où voudrais-tu aller en Chine? 在中国你想去哪儿? Aujourd'hui, je voudrais aller à Shanghai. Nous pourrons probablement aller à Pékin aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à Shanghai. 我今天想去 aller à Shanghai. Shanghai. Nous pourrons probablement aller à Pékin également. D'accord. Aussi ou également. Aller. Chu Beijing. Comment dites-vous probablement? D'accord. Il faut dire « da-gai ». Aujourd'hui, je voudrais aller à Shanghai. Nous pourrons probablement aller à Pékin également. 我今天想去上海. Da-gai,我们也能去北京.